Bitch ass friends. Oh yeah. No love, no trust dans ce monde fuck tout le monde. No love, no clash, no love, no trust dans ce monde fort. Tout le monde, personne à tes côtés, alors qu'ils aillent se faire en couche enculée. Personne pour t'écouter, fuck la vérité. Ne me juge pas, retourne-toi et barre-toi. Certes, barre-toi. Certains disent mémé, mais sont les premiers à me quitter. Fuck-toi et ta fausse sincérité. C'est pour tous les mecs qui ont traîné à mes côtés. Si je toucherais la célébrité, tu ferais tout comme bitches, friends, fuck-fucker. Fuck fucker, friends, fuck fucker. Mec ou nana lâche comme toi, fuck ça. Ami ou ennemi, c'est toi qui choisis. Un jour t'es mon ami, un autre jour t'es mon ennemi. Je prends aussi des types qui me disent des conneries, qui m'oublient. Ne déconne pas avec moi, pas au reste. C'est maintenant que tu choisis. Les faux potes se reconnaîtront, les vrais potes me reconnaîtront, les vrais potes me suivront ou peut-être me lâcheront. Fuck l'amitié car tu peux te faire enculer par ton plus prochain boy. Fuck friends, Je ne dois pas pour vous tous, mais prenez-le comme pour vous. Un ami, ça se lâche pas, lâche pas, on ne brise pas. Il reste avec tout, il t'aide, il t'écoute. Just nobody, oui, je le redis dans un guet-apens. J'ai vu des anciens amis, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. C'est toi qui vois, fais vite ton choix. Quand tu me vois, viens me voir et m'esquive pas. Quand t'as pas envie de me voir, dis-le et cache-le pas. Bande de bitches, friends. Rich ass friends. Putain d'ami. Ouais, y'en a trop ici. Gaffi. I don't give a fuck. Rich ass friends. Gaffi. I don't give a fuck. Rich ass friends. Ça vient du cœur. Et c'est pas des conneries. Ce son, c'est pas un trip, c'est sérieux. Ouvrez les yeux, bon enfoiré.